الحمد لله الحمد لله رب الأرباب ومسبب الأسباب وخالق خلقه من تراب الذي خضعت لعظمته الرقاب والذي لانت لقدرته الشدائد الصلاب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله سيد أولي الألباب وعليه أنزل أفضل كتاب وبه بدد الله جل وعلا الظلمات والضباب صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من صار على ضربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الجزاء والحساب. Toutes les louanges appartiennent à Allah, le Seigneur de tous les Seigneurs, l'auteur de toutes les causes et le créateur de sa créature de terre, celui devant lequel se soumettent toutes les forces puissantes, et celui devant lequel se rabaissent toutes les nuques. Et je témoigne que nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah, l'unique sans associé, le pardonneur des péchés, l'accepteur du repentir et le sévère en châtiment. Et je témoigne que notre prophète Mohammed est son serviteur et son messager. C'est lui le chef des doués d'intelligence. Celui sur lequel a été révélé le meilleur des livres. Et celui par lequel Allah tabaraka wa ta'ala aura transformé et métamorphosé les ténèbres de l'injustice et de l'ignorance. Oh Allah, évoque-le bien auprès de toi dans les grandes assemblées. Et préserve-le de tout mal dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà. Et accorde-lui ta bénédiction. À lui ainsi qu'à sa noble famille, ses nobles compagnons, ses bien-aimés et tous ceux qui suivent son chemin jusqu'au jour de la récompense et du jugement. Ayyuha al-ikhwatul kiram, continuons ensemble notre voyage béni dans l'explication des versets du livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ceci est notre 19e rencontre. Parmi les rencontres de cette noble et bénie série, Silsilatu Durusun min Surati Luqman, la série de leçons tirées de Surati Luqman. Et nous avions certes parlé lors de notre dernier discours de l'association mineure Ash-Shirk al-Asghar. Et nous avions tiré cela de la parole d'Allah Tabaraka wa Ta'ala à travers la langue de Luqman rahimahullah à son fils. Ya Bunay, la tushrik billah. Ô toi mon fils, ne donne pas d'associé à Allah. Et nous avions précédemment divisé l'association Ash-Shirk en trois catégories. Nous avions dit qu'il y avait Ash-Shirk al-Akbar, Ash-Shirk al-Asghar, Ash-Shirk al-Khafi. L'association majeure, l'association Mina et l'association cachée. Et aujourd'hui, Ayyuha al-Ahbab, nous avons certes rendez-vous avec la troisième catégorie de l'association Ash-Shirk, Ala wa huwa Ash-Shirk al-Khafi, qui est certes l'association cachée, qui est notamment appelée par beaucoup de savants al-ulama al-Riya, l'ostentation, wal-iyadu billah. Ainsi, l'interdiction de Luqman à son fils, quant à ne pas associer à Allah tabaraka wa ta'ala dans sa parole. Ya bunay, la tushrik billah, ne donne pas d'associer à Allah. Nous avions dit que cette interdiction était générale et qu'elle englobait toutes les catégories d'associations. Tamahu al-riya. Qu'est-ce donc que l'ostentation, ayol ikhwatul kiram? L'ostentation est le fait de désirer et de vouloir l'agrément et la satisfaction des gens annas par l'adoration du Seigneur des gens, Rabbul Nas. Le fait de désirer l'agrément et la satisfaction des gens annas par l'adoration du Seigneur des gens, Rabbul Nas, tabaraka wa ta'ala. Cela signifie d'effectuer une action en voulant que les gens te regardent et en espérant que les gens parlent de toi en bien. Et c'est ainsi la chose qui aura certes apeuré et effrayé le plus le messager d'Allah alayhi salatu wa salam pour sa communauté, comme ceci a été rapporté dans le hadith par l'imam Ahmad dans son musnad, avec une chaîne de transmission authentique selon Mahmoud ibn Labid radiallahu anhu. Celui-ci nous dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: ce dont j'ai le plus peur pour vous, ce dont j'ai le plus peur pour vous, est certes la petite association Ashirk al-Asghar. Et alors les compagnons dirent: et qu'est-ce que la petite association, ya Rasulallah? Et alors il répondit sallallahu alayhi wa sallam: al-Riya, l'ostentation. Al-Riya, l'ostentation. Ainsi, lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala récompensera les gens selon leurs actions le jour de la résurrection, yawm al-qiyamah, il dira à ceux qui auront agi par ostentation envers les gens dans ce bas monde ad-dunya: allez chercher auprès de ces gens si vous trouvez une récompense auprès d'eux. Allez chercher auprès de ces gens si vous trouvez une récompense auprès d'eux. Et le messager d'Allah والسلام, a même considéré l'ostentation al-riya comme plus dangereuse que la tentation d'Al-Messih et Dajjal. Plus dangereuse que la tentation du faux messie. Comme ceci a été rapporté dans le hadith rapporté par l'imam Ibn Majah dans ses sunan et par l'imam Al-Bayhaqi et sa chaîne de transmission Ibn, comme nous l'a dit Cheikh Al-Albani. Selon Abi Saïd ibn al-Khudri radiallahu anhu, il dit le messager d'Allah alayhi salatu wa salam: est sorti auprès de nous un jour alors que nous étions en train de parler d'Al-Messih et Dajjal, du faux messie. Et alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: voudriez-vous que je vous informe de ce qui est plus dangereux pour moi qu'Al-Messih et Dajjal? Et alors ils répondirent: bien sûr ya Rasulallah. Et alors il répondit sallallahu alayhi wa sallam: al-shirk al-khafi, l'association cachée. Al-shirk al-khafi, l'association cachée. L'homme se lève et il embellit sa prière à salat parce que quelqu'un le regarde. Al-riya wa al-ikhwatul kiram, l'ostentation est certes une maladie destructrice. Elle rentre dans les cœurs, elle pollue et elle les noircit. Et elle vient auprès des actions, elle armale et elle les anéantit. Na'am ayyuha al-ikhwa, la maladie de l'ostentation al-riya aura certes fatigué les savants al-ulama dans le fait de l'anéantir. Et les pieux prédécesseurs al-salaf al-salih, rahimahumullahu ta'ala, étaient les plus assidus à cacher leurs bonnes actions. Ils étaient les plus assidus, rahimahumullah, à cacher leurs bonnes actions. Et ils étaient plus assidus à cacher leurs bonnes actions que ceux qui se cachent afin de commettre des interdits. Ainsi l'ostentation al-riya est le fait de vouloir que les gens te regardent, le fait de désirer que les gens te complimentent, le fait d'espérer par tes adorations que les gens te louent et te remercient. Alors qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous dit: فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Et quiconque donc espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions et qu'il n'associe dans son adoration aucun à son Seigneur. يَا بُنَيْ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. Ô toi mon fils, ne donne pas d'associé à Allah. Alors ainsi tu te dois au noble Père. Et tu te dois, ô toi la noble mère, dans l'éducation de ton enfant, tu te dois d'installer et d'ancrer et de planter dans son cœur at-tawhid al-khalis, l'unicité pure d'Allah Jalla wa Ala. Car malheureusement, beaucoup de pères et beaucoup de mères ne se soucient pas d'enseigner à leurs enfants leur religion, mais ils ne se soucient que de comment l'enfant se doit d'obéir et d'écouter. Un exemple, lorsqu'un père emmène son enfant dans une école d'apprentissage de l'Qur'an, malheureusement, il n'aura de préoccupation que quand est-ce que terminera l'enfant Al-Qur'an afin qu'il guide les gens durant les prières nocturnes et afin que les gens le voient. Et afin que les gens le complimentent. Et afin que les gens parlent de bien sur lui. Ou bien quand est-ce que son fils terminera Al-Qur'an dans le but de recevoir la récompense. Et ceci est une grande catastrophe. Tu te dois, ô toi le père Al-Ab, et ô toi la mère, installer dans le cœur de ton enfant l'unicité pure d'Allah Azza wa Jal, afin qu'il grandisse en œuvrant sincèrement à Allah depuis sa plus jeune enfance, et afin qu'il sache et qu'il ait la conviction ferme que son Seigneur Tabaraka wa Ta'ala l'observe, et non que les gens l'observent. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Quiconque donc espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions et qu'il n'associe dans son adoration aucun à son Seigneur. يا بني لا تشرك بالله. أيها الإخوة الكرام. Certes, la maladie de l'ostentation al-riya est une maladie intérieure et cachée. Et ne peut la reconnaître et ne peut le voir cette maladie que celui qui connaît la trahison des regards et celui qui connaît tout ce que les poitrines cachent. الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. C'est pourquoi nous nous devons de faire des efforts nuit et jour pour Allah Tabaraka wa Ta'ala. Chacun de nous se doit obligatoirement de surveiller son cœur. Chacun de nous se doit obligatoirement de contrôler son cœur et de contrôler son âme à chaque instant et à chaque moment et pour toujours, avant chaque action et après chaque action. Pourquoi cela? Car l'intention sincère pour Allah tabaraka wa ta'ala est plus difficile à l'âme que l'action en elle-même. L'intention sincère à Allah et Azza wa Jal est plus difficile pour l'âme et nafs que l'accomplissement de l'action lui-même. Que ton intention soit sincère pour Allah, voilà ce qui est difficile. C'est pourquoi le messager d'Allah alayhi salatu wassalam nous dit, le hadith est rapporté par l'imam Ahmed avec une chaîne de transmission authentique, il nous dit, ayyuhan nas, ô vous les gens, craignez cette association car elle est plus discrète que les pas de la fourmi. Car elle est plus discrète que les pas de la fourmi. Et dans le hadith rapporté par l'imam Ibn Khuzayma, dans son recueil authentique, Cheikh Al-Albani a rendu sa chaîne de transmission bonne. Selon Mahmoud Ibn Labid radiallahu anhu, il dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam un jour sorti et dit, ayyuhan nas, attention à l'association des secrets, Cheikh Al-Sara'ir. Et alors il dit, ya Rasulallah, et qu'est-ce que l'association des secrets? Et alors le messager d'Allah alayhi salatu wa sallam répondit, c'est que la personne se lève et fasse des efforts pour embellir sa prière, car il a vu que les gens le regardaient. Telle est l'association des secrets. Que la personne se lève et fait des efforts pour embellir sa prière, car il voit que les gens la regardent. Il allonge son inclinaison à Rukou, et il allonge sa prosternation à Sujoud, et il allonge sa récitation d'Al-Qur'an devant les gens, afin qu'on dise que c'est un homme concentré lors de la prière, afin qu'on dise que c'est un homme qui dure dans les adorations à l'ibadat. Mais s'il priait chez lui, il prierait comme piquant les corbeaux. Telle est l'association des secrets Shirk al-Sara'ir. Cette association qui n'est découverte et qui n'est connue que par celui qui connaît les secrets et plus encore Alim al-Ghuyub. Et écoutez ce que nous dit l'imam Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala dans son livre très profitable Le Rassemblement des Sciences et des Sagesses. Il nous dit rahmatullahi alayhi, et sachez que l'œuvre pour autre qu'Allah jalla wa ala se décompose en de nombreuses catégories. Il y en a qui sont des associations pures, comme les œuvres des hypocrites al-munafiqin, ceux au sujet duquel Allah jalla wa ala nous dit innal munafiqina yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum wa idha qamu ila as-salati qamu kusala yura'un an-nas. Les hypocrites cherchent à tromper Allah, mais c'est Allah qui retourne leur tromperie sur eux-mêmes. Et lorsqu'ils se lèvent pour accomplir la prière, ils se lèvent avec paresse et par ostentation envers les gens, et à peine invoquent-ils Allah. Ainsi, ce type d'action est annulé et pas accepté par Allah Jalla wa Ala, et rendu à celui qui l'aura accompli, car il s'y sera placé devant la colère d'Allah Azza wa Jal. Parmi les actions également, comme nous le dit l'imam Ibn Rajab, il y en a qui sont au début sincèrement à Allah Jalla wa Ala. Il y en a qui sont au début voués sincèrement à Allah Azza wa Jal, puis l'ostentation al-riya lui vient après cela. Et ainsi, si la personne repousse l'ostentation, à ce moment-là, son action est acceptée. Et ceci sans divergence entre les savants et les ulama, son action est acceptée, ayol ikhwa. Mais si la personne, lorsque lui vient l'ostentation al-riya, continue avec cette incitation provenant du diable à Shaytan, les savants ont divergé quant à l'acceptation de l'action. Et la parole la plus juste, comme le disent l'imam Ahmed ou l'imam Ibn Jarir, et c'est également la parole rapportée par Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, c'est que le serviteur sera récompensé par rapport à sa première intention. Ayyuha al-ikhwatul kiram, Allah tabaraka wa ta'ala a certes menacé les ostentateurs par la menace d'un châtiment douloureux, et wallah, écoutez ce qu'Allah jalla wa ala nous dit, فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون والذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Malheur donc à ceux qui prient tout en négligeant, c'est-à-dire en retardant leur prière, et qui sont pleins d'ostentation et qui refusent l'ustensile à celui qui en a le besoin. Ainsi Allah jalla wa ala ayyuha al-ikhwa a promis et a menacé celui qui agit par ostentation d'un châtiment douloureux. Et Allah Jalla wa Ala également a informé que celui qui commet une action ne désirant pas cette action, pour cette action le visage d'Allah Azza wa Jal, son action sera refusée. Et son action sera rejetée sur lui, comme ceci a été rapporté dans le recueil authentique d'Al-Imam Muslim, selon Abi Hurayra radiallahu anhu. Il nous dit le messager d'Allah, alayhi salatu wa salam, nous dit, Allah Ta'ala a dit, je suis le plus indépendant des associateurs quant à leur association. Ainsi, celui qui fait une action associant quelqu'un d'autre avec moi, je le délaisserai lui et son association. Et dans le hadith rapporté authentique par l'imam al-Tirmidhi, un hadith avec une chaîne de transmission bonne, comme le dit al-Sheikh al-Albani selon Abi Saïd ibn Abi Fudala, radiallahu anhu. Il nous dit, j'ai entendu le messager d'Allah, alayhi salatu wa salam, dire, lorsqu'Allah rassemblera les premiers et les derniers, le jour de la résurrection, yaoum al-qiyamah, en un jour où il n'y a pas de doute à ce sujet, lorsqu'Allah rassemblera les premiers et les derniers, le jour de la résurrection, en un jour où il n'y a pas de doute à ce sujet, quelqu'un appellera, un appel sera lancé. Ô celui qui a commis une action associant quelqu'un d'autre avec Allah, qu'il demande sa récompense auprès de celui qui l'a associé à Allah. Car Allah, Jalla wa Ala, est le plus indépendant des associateurs quant à leur association. Ainsi, ayo al-ikhwa, celui qui effectue une action pour autre qu'Allah, sa récompense doit être donnée par l'autre en dehors d'Allah. Et Allah Ta'ala le rabaissera. Et Allah Jalla wa Ala l'humiliera. Et Allah Azza wa Jal lui infligera la honte devant toute l'humanité entière. Comme ceci a été rapporté dans les deux recueils authentiques selon Jundub ibn Abdillah, radiallahu anhu, il dit, le messager d'Allah alayhi salatu wa salam a dit, celui qui veut se faire entendre, Allah le fera entendre. Et celui qui veut que l'on le voie, Allah le fera voir. Le messager d'Allah alayhi salatu wa salam a dit, celui qui veut se faire entendre, Allah le fera entendre. Et celui qui veut qu'on le voie, Allah le fera voir, c'est-à-dire le jour de la résurrection. Telle est la maladie de l'ostentation al-riya. Et c'est également la maladie de la célébrité al-shuhra et de la réputation. Une maladie de vouloir être célèbre et de vouloir obtenir la réputation par l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Cette maladie de laquelle ont fui les savants et les ulama, et on fuit les vertueux, as-salihoun, en tout lieu et en tout temps. Lorsqu'ils étaient à l'encontre de la célébrité, ils s'enfuyaient. Mais par contre, il veut dire, si la célébrité venait de la part d'Allah, tabaraka wa ta'ala, ceci est une chose par laquelle il faut passer. Sinon, comment seraient connus les savants et l'ulama? Et comment leur science s'étendrait auprès des gens? Cette science par laquelle les cœurs et le quloub deviennent vivants, et par laquelle les âmes et nufous se nourrissent. Si le savant était assidu à étendre sa science, et si le prêcheur est assidu à étendre et à répandre ses prêches afin de donner victoire à sa religion et afin de faire retourner la communauté à sa religion, ceci est ainsi demandé et obligatoire pour lui. Et c'est de même un engagement qu'Allah a porté à son sujet. Comme nous le dit Allah tabaraka wa ta'ala, وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابِ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. Allah a certes pris de ceux auxquels le livre a été donné un engagement, exposer ce livre aux gens et ne le cachez pas. Mais ils l'ont jeté derrière leur dos et ils l'ont vendu à vil prix. Quel mauvais commerce qu'ils l'ont fait. Ainsi, si la personne, et lorsque la personne est assidue sur le fait d'étendre le bien, et qu'à ce moment-là, elle obtient la célébrité et la réputation, cela n'est pas néfaste pour lui, du moment qu'il désire pour cela le visage et la face d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et de par cela, ayyuhal ikhwa, personne ne peut juger les intentions des gens. Car celui qui connaît les intentions des gens, an-niyat, est celui qui connaît le secret et plus encore, tabaraka wa ta'ala. Ainsi, tu ne dois pas penser du mal des savants, al-ulama. Et tu ne dois pas penser du mal des prêcheurs, al-khutaba. Et tu ne dois pas penser du mal des récitateurs. Et ceci est parmi les grands malheurs dans lesquels, malheureusement, sont tombés beaucoup de musulmans et beaucoup de gens. Beaucoup de gens pensent du mal des savants, al-ulama, pensent du mal des récitateurs et des prêcheurs, et ils osent dire que ces gens-là agissent par ostentation. Et que ces gens-là désirent par l'adoration d'Allah la célébrité et la réputation, alors que l'intention n'est connue que de la part d'Allah Jalla wa Ala. Ainsi, à la personne d'agir et à la personne d'effectuer des actions et de donner de l'aumône et de faire des bonnes actions et de lire et d'apprendre et de réciter et de prêcher à Allah Jalla wa Ala, mais de n'espérer par cela que ce qu'il y a auprès d'Allah Jalla wa Ala. Et s'il t'arrive une certaine célébrité, s'il t'arrive une certaine réputation, ou bien certains compliments de la part des gens, ou bien certaines louanges, ne te retourne pas vers cela. Mais demande à Allah, Jalla wa Ala, le pardon. Et demande à Allah l'acceptation de tes œuvres. Et aie la crainte que ton action ne soit pas acceptée, et fais que ton intention soit sincère à Allah, Jalla wa Ala. Dans le recueil authentique de l'imam Muslim, selon Abi Dar radiallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wa salam a été questionné sur l'homme qui fait le bien et que les gens remercient et complimentent pour cela. Le prophète alayhi salatu wa salam a été questionné quant à l'homme qui fait le bien et des bonnes œuvres et que les gens louent et remercient et complimentent pour ce bien. Est-ce que cela le nuira le jour de la résurrection? Et alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit: telle est l'avance de la bonne nouvelle du croyant. Telle est l'annonce de la bonne nouvelle du croyant, c'est-à-dire telle est l'annonce de l'acceptation de son action. Ainsi, nous devons vouer un culte sincère à Allah, Jalla wa Ala. Et combien la communauté musulmane en cette époque a besoin d'avoir l'intention sincère et de renouveler une nouvelle intention pour Allah, Jalla wa Ala, à plusieurs reprises. Et dans le recueil authentique d'Al-Imam Muslim, et soyez attentifs à Yoli Khwatul Kiram avec ce hadith, qui fait sortir les cœurs et le quloub des poitrines à soudou. Dans le recueil authentique d'Al-Imam Muslim et dans les sunan d'Al-Imam Nasa'i ou l'Imam Tirmidhi, selon Abi Huraira radiallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam nous dit: le premier parmi les gens qui aura son compte le jour de la résurrection, yawm al-qiyama, est un homme qui mourut martyr. Un homme qui mourut martyr, le premier parmi les gens qui aura son compte le jour de la résurrection, yawm al-qiyama, dans le feu de l'enfer, finari jahannam, est un homme qui mourut martyr. Il mourut où ? Dans la place du combat, dans la place de la dignité, de l'honneur, de la noblesse. Un homme qui mourut martyr, on l'emmènera alors. Et Allah lui fera reconnaître ses bienfaits. Ici, la reconnaissance est entre lui et son Seigneur, entre lui et celui qui aura tout enregistré, entre lui et celui qui connaît tous les secrets, entre lui et celui qui connaît la trahison des regards et tout ce que cachent les poitrines. On l'amènera alors. Allah Jalla wa Ala lui fera reconnaître ses bienfaits, et alors il les reconnaîtra. Puis il dira ensuite, Tabaraka wa Ta'ala, qu'as-tu donc fait avec cela ? Et alors il répondra, j'ai combattu pour toi jusqu'à ce que je me fasse tuer. J'ai combattu pour toi jusqu'à ce que je me fasse tuer. Et Allah Jalla wa Ala lui répondra alors, Kadhabt, tu as certes menti, mais tu as combattu afin qu'on dise de toi, celui-ci est courageux. Et cela fut dit, et ceci a été ton désir, et il fut exaucé. Cela a été dit, et on ordonna ensuite de l'emmener et de le jeter le visage le premier dans le feu Annam. Puis un homme qui a appris la science al-ilm et qui l'a enseigné, un savant, ya ibad Allah, un homme qui a appris la science religieuse al-ilm al-shar'i et qui l'a enseigné et qui a récité le livre d'Allah, le Qur'an, on l'emmena. Allah lui fit reconnaître ses bienfaits et il les reconnaîtra. Puis Allah Jalla wa Ala lui dira, qu'as-tu donc fait avec cela ? Et alors il répondra, j'ai appris pour toi la science al-ilm, et je l'ai enseigné, et j'ai lu pour toi le livre d'Allah, le Qur'an. Et alors Allah Jalla wa Ala répondra, Kadhabt, tu as certes menti, mais tu as appris, afin que l'on dise de toi c'est un savant, et afin que l'on dise de toi c'est un récitateur. Et certes cela fut dit, et on ordonna ainsi de l'emmener et de le jeter le visage le premier dans le feu Annar. Puis un homme à qui Allah a attribué différents types de richesses. Allah lui a accordé beaucoup de richesses et de biens. On l'emmènera le jour de la résurrection. Allah lui fera alors reconnaître ses bienfaits. Et il les reconnaîtra alors et il lui dira alors, Jalla wa Ala, qu'as-tu donc fait avec cela ? Il répondra, je n'ai laissé aucun moyen de dépenser pour toi sans que je ne le fasse. Et alors Allah Jalla wa Ala lui dira, Kadhabt, tu as certes menti, mais tu as dépensé afin que l'on dise de toi, celui-ci est généreux, celui-ci est un donneur, celui-ci donne des aumônes, et certes cela a été dit. Et on ordonna ensuite de l'emmener et de le jeter le visage le premier dans le feu Annar. C'est comme cela, ayyuhal ikhwatu kiram, wa ma rabbuka bidhallamin lil'abid. Et certes ton Seigneur n'est point injuste envers les serviteurs. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit, من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. Ceux qui veulent la vie présente avec sa parure, nous les rétribuerons exactement selon leurs actions sur terre, sans que rien leur en soit diminué. Ceux-là qui n'ont rien, dans l'au-delà, ils n'auront rien que le feu Annar. Ce qu'ils auront fait ici-bas sera un échec, et sera vain ce qu'ils auront œuvré. Ainsi, c'est lui qui accomplit une action ne désirant pas la face d'Allah, Azza wa Jal. Son action sera rejetée, et il sera jeté dans le feu de l'enfer final, Jahannam. Et soyez attentifs, ayyuhal ikhwatul kiram. Nous avions rappelé également que Salaf al-Salih, les pieux prédécesseurs, étaient très assidus, et ils accomplissaient le maximum d'efforts, afin de ne pas risquer d'être connus, et afin de ne pas que l'on parle d'eux. Voilà Ibn Mas'ud radiallahu anhu. Il sortit un jour chez lui, Ibn Mas'ud. Un groupe de personnes les suivit afin de le questionner au sujet de la science. Et alors il se retourna vers eux. Et il leur dit, radiallahu anhu, Pourquoi est-ce que vous me suivez? Retournez, wallah. Si vous saviez comment les portes me sont refermées devant moi, c'est-à-dire à cause de mes péchés, si vous saviez comment les portes se sont refermées devant moi, il n'y aurait pas de personne d'entre vous qui me suivrait. Radiallahu anhu. Et il disait à ses compagnons, soyez les sources de la science al-ilm, les bougies de la nuit al-layl, les renouveleurs des cœurs al-qulub, étant connus dans le ciel al-sama, et méconnus par les gens de la terre al-ard. étant connu dans le ciel As-Sama, mais méconnu des gens de la terre Ahlul-Ard. Et le savant également Abu al-Aliyah rahimahullah ta'ala, qui est un imam parmi At-Tabi'in, nous disait, et lorsqu'il lui arriva cela, il disait, lorsque plus de 4 personnes s'asseyaient pour l'écouter, il se levait et il s'en allait. Car il ne voulait pas qu'on parle de lui. Et car il ne voulait pas qu'on écoute de lui. Soyez attentifs, ayyuhal ikhwatul kiram, beaucoup d'ignorants délaissent les bonnes actions salihul a'mal. Beaucoup d'ignorants, malheureusement, délaissent les bonnes actions. Et malheureusement, ils délaissent les bonnes actions apparentes aux gens, comme apprendre la science islamique, comme apprendre le livre d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Ils délaissent ces actions et ils prennent comme prétexte le hadith de Abi Huraira, dans lequel il est relaté que le premier qui recevra son compte le jour de la résurrection parmi les gens sera dans le feu de l'enfer. Alors que c'est un homme qui récitait le Coran et qui apprenait la science. Et ainsi, ces gens-là, ces ignorants, délaissent donc les bonnes actions qui sont apparentes aux gens. Et tu le vois même déconseiller ses frères. Ceux qui désirent apprendre le livre d'Allah, il les déconseille d'apprendre le Coran, en prenant comme preuve ce hadith. Mais ceci est une grande stupidité et une grande ignorance. Car le but et l'objectif, ayyuhal ikhwa, est que l'intention, l'objectif de ce hadith, est de montrer et de pousser les gens à perfectionner leur intention. Que leur intention soit sincère à Allah Jalla wa Ala. Le but est que ton intention soit sincère à Allah Jalla wa Ala. Et que tu espères avec les actions ce qu'il y a auprès d'Allah Jalla wa Ala parmi ses récompenses. Tabaraka wa ta'ala. Et nous rappelons ce que nous dit Al-Fudayl ibn Iyad, rahimahullah ta'ala. Le fait de délaisser une action à cause des gens est une ostentation agréable. Que tu délaisses une action de peur des gens est une ostentation à rien. Et le fait de faire une action pour les gens est une association à chiffres. Et la sincérité, al-ikhlas, est qu'Allah te préserve des deux situations. Le fait de délaisser une action de peur des gens est une ostentation. Et le fait d'accomplir une action pour les gens est une association. Et la sincérité, al-ikhlas, et qu'Allah te préserve des deux situations. Et nous devons également de plus avertir beaucoup de désobéissants. Et beaucoup parmi ceux qui ont délaissé le chemin d'Allah Jalla wa Ala, ils prennent comme excuse la sincérité al-ikhlas. Et ainsi leurs excuses sont pires que les mauvaises actions. Si par exemple, tu lui rappelles à l'un de l'obligation d'effectuer la prière en salat, il va te répondre, al-iman est là-dedans. Al-Iman est dans le cœur, Al-Qalb, et il fait signe vers son cœur. Al-Iman est ici, la foi est dans le cœur, ce n'est pas dans la prière. La foi est dans le cœur et non dans la prière. Et il y a également beaucoup de femmes qui ont enlevé le voile, Al-Hijab, et qui ont enlevé le voile de la pudeur, et elles se disent, la foi n'est pas dans le voile, la foi n'est pas dans le fait de voiler sa tête, mais la foi est dans ce qui est dans le cœur et les poitrines. Et tu la trouves dire à celles qui portent le voile, Al-Hijab, que elles sont ostentatrices. Et qu'elles, elles veulent que l'on parle d'elles et qu'on les complimente. Et ces excuses sont pires que les péchés. Naam, car la religion d'Allah Jalla wa Ala est aqida wa amal. C'est dogme et croyance, mais également action et œuvre. C'est parole et action. Croyance et action. Apparent et caché. Et certes, l'apparent de la personne est un miroir de son intérieur. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit, Ya bunay, la tushrik billah, inna shirka la zulmun azim. Oh toi mon fils, ne donne pas d'associer à Allah. Certes, l'association est une injustice énorme. As'alullah tabaraka wa ta'ala, bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula. Je demande à Allah tabaraka wa ta'ala, par ses noms parfaits et ses attributs sublimes, qu'il fasse que l'on soit parmi les sincères. Et qu'il fasse que l'on soit parmi ceux qui adorent Allah Jalla wa Ala en toute sincérité. Innahu wa liudhalika wal qadiru alayh. Lui seul en a la capacité, le pouvoir. Et en tenant ses propos, j'implore le pardon d'Allah pour moi ainsi que pour vous. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum.